La journée du 27 juillet s'achève. La journée du 28 juillet se passe. Et nous voici au matin du 29 juillet 1830, rue de l'Harpe, presque en face du magasin à la Dame du Lac. Tout est calme encore dans ce quartier. L'on ne se douterait guère que Paris est bouleversé. Toutefois, les employés de M. Chocard font de la charpie. Elles utiliseraient même pour cela, n'écoutant que leur civisme, les plus fines lingeries du magasin si M. Arthur n'intervenait. Il n'est pas spécialement combatif, M. Arthur. Il croit cependant bon, pour se hasarder dans la rue, de s'armer d'un fusil. Et voici que soudain, il se trouve nez à nez avec Malvina. Mademoiselle Malvina, vous promenez en ce moment dans les rues? Mais quelle imprudence! Et vous, Monsieur Arthur, qu'est-ce que vous faites ici? Je passais, oui. J'ai sauvé. Qui? Les lingeries de la Dame du Lac, voyons, tout simplement. Oh, c'est beau! Oh, mais prenez garde, votre fusil. Il n'est pas chargé. Et vous le prenez comme un balai? Comme un balai. Mademoiselle Malvina, avez-vous réfléchi à ce que j'ai eu l'honneur de vous dire avant-hier? Attendez donc. Oh, il s'est passé tant de choses depuis. Mariage? Un bon petit mariage, voyons, pour vous. Avec qui? Mais avec moi. Oh, oui, oh, c'est vrai. Oh, comment, Monsieur Arthur? Comment vous pouvez penser à ça aujourd'hui? J'ai gardé tout mon sang-froid, Mademoiselle Malvina. Toute modestie à part, j'ai la certitude que je vous rendrai heureuse. Oh, mais là, très heureuse. Il n'y a qu'une façon de rendre une femme heureuse. Dites toujours. C'est d'arriver à se faire aimer d'elle. Oh, rien n'est plus simple. Vous croyez? Monsieur Arthur, je viens de faire un serment. À qui? À moi. J'ai juré de n'appartenir qu'à un héros. Compris. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parfaitement. Vous m'envoyez à la mort, j'y vais. Pas par là, la mort. Par ici. Je prenais un raccourci. Adieu. Au revoir. Un héros. Monsieur Arthur, un héros. Oui, mademoiselle, voyez, héros. Oh, toi, tu me le paieras quand nous serons mariés. Quelle époque! Je m'étais échappée de la maison ce matin, dans l'espoir de rencontrer Valérien. Où est-il? Que fait-il? Je lui ai écrit une lettre cette nuit, dans ma petite chambre. Mais comment trouver quelqu'un pour la lui donner, cette petite lettre tremplée de mes larmes et scellée de mes baisers? Je vais la relire encore. Je vous écris, cher Valérien, voilà deux jours que je suis sans nouvelles. Vous vous battez, je pense bien, à nous, c'est sans des angoisses mortelles, des angoisses mortelles. Toujours ce pensée obsédant, vous vous battez, approuve cependant, car je suis fière et faible tout ensemble. Vous sourirez de cet aveu, vous jugerez mon cœur pusillanime, vous qui faites le coup de fil et vivez une aventure sublime, tandis que contre les tyrans vous combattez pour la plus noble cause. Moi, je reste chez mes parents, et ce n'est pas du tout la même chose. Quel jour sommes-nous? Mercredi, je crois. Hélas, et les heures sont lentes. Mais avant-hier, vous m'avez dit, j'entends encore vos paroles brûlantes. Oui, tu m'as dit, oh mon amant, que n'être aimé, que la mort ne peut l'atteindre, et je vous aime tellement que je devrais n'avoir plus rien à craindre. Cher Valérien, je vous écris dans tout le bruit de cette ville en armes. J'entends des chants, j'entends des cris. Brouillent à travers mes larmes. Une lettre d'Arthur, probablement. Non, ma sœur, ce n'est pas une lettre de Monsieur Arthur. Tu mens. Adèle, comme tu me parles. Cette pâleur, cette colère. Je te parle comme à une rivale. Mais tiens, lis cette lettre. Je vous écris, cher Valérien, voilà deux jours. Oh, ma Malvina, que je suis contente. Mais qui est ce Valérien? C'est Monsieur Jules. Un second commis? Oh, tu ne peux pas l'épouser, ce serait une mésalliance. Ne complique pas, je t'expliquerai. Et embrasse-moi. Nous avons toujours été deux amis, vivant jusqu'ici sans rien nous cacher. Oh, ma sœur, demeurons unis et nos cœurs pourront s'épancher. Oui, je veux d'amour finir ton supplice, toi pour mon amour et moi pour le tien, moi ta confidente et toi ma complice. Soyons l'une à l'autre un tendre soutien. Alors, raconte. Monsieur Jules, il t'a déclaré son amour. Oui, sans détour et sans retour. Mais il ne s'appelle pas Jules, qu'il est de prénom ridicule. Il s'appelle Valérien. Valérien. Valérien Desormeaux, l'auteur de... Tu sais bien, connaissez-vous celui que je... Quoi? Ce serait le grand compositeur lui-même. Vrai. Je ne me doutais de rien. Comment as-tu connu ce Valérien? Comme il passait dans cette rue, un jour je lui suis apparu. Et voilà que notre modeste boutique d'une vision poétique rayonna. Une idée extraordinaire, comme employé chez notre père, l'amena ainsi grâce à ce stratagème. Il put me dire, je vous aime. Véritable roman, comment le trouves-tu charmant? Je suis follement amoureuse, Malvina, que je suis heureuse. Désormais, je ne vais plus souffrir. Alors, tu n'aimes pas, arrêtes-tu? Nous avons toujours été deux amis. sans rien nous cacher. Pour ma sœur, nous demeurons unis et nos cœurs pourront s'épancher. Pour le tien, moi la confidente et moi ta complice. Soyons l'une à l'autre un tendre soutien. Soyons l'une à l'autre un tendre soutien. Il n'est pas seul, il est avec une dame. Oh, Madame de Rigaldier. Oh, il la serre dans ses bras. Cachons-nous. Tu crois? Oui, oui, viens, je te dis. Comment vous sentez-vous? Un peu mieux. Désirez-vous vous arrêter un instant? Ah oui, oui, près de vous, je suis bien. Ah, monsieur Desormeaux, je n'oublierai jamais que vous m'avez sauvé la vie. Mais non, madame. Mais sans vous, ces hommes qui m'insultaient m'auraient fait un mauvais parti. Ils ne vous insultaient pas, madame. Ils n'en voulaient qu'à votre toilette, à votre chapeau. Oh! Mais qu'est-ce qu'il a, mon chapeau? Mais il a des plumes. Mais ce sont de braves gens. Ils ne vous auraient pas fait de mal. Parce que vous êtes arrivé. Et que s'est-il passé, alors? Je n'en sais rien. Vous vous êtes évanouie et je vous ai porté dans mes bras. Il n'aurait pas dû. Je ne vous paraissais pas trop lourde. Non, mais pas du tout, madame. Appelez-moi Hortense. Oh, ça, c'est trop fort. Oh oui, oui, appelez-moi Hortense. Je vous étonne. Oh, les sentiments vont vite dans les temps comme ceux que nous vivons. Mais je sais tout de vous, Valérien Desormeaux, le compositeur déjà célèbre. Vous devriez venir avec moi à la cour. Là est votre place. Là, vous seriez adulé, compris. Oh, mais madame, mes opinions... Oh, la plupart des hommes en changent par intérêt. Et ce serait si beau d'en changer par amour. Par amour? Elle a dit par amour. Oh, ça c'est trop fort, je n'y tiens plus. Traître, menteur, assassin. Pendant que les autres se battent, vous, vous avez une intrigue avec une péronnelle du camp ennemi. Et vous, madame, vous n'êtes qu'une dévergondée, vous entendez? Une dévergondée! Oh, monsieur, mais je vous en prie, éloignez de moi cette furie. Mademoiselle Malvina, ma fiancée. Oh, c'est votre fiancée? Oh, excusez-moi. Oh, c'est un jour de folie. On dit n'importe quoi. Mon Dieu, mais quel est ce bruit? Oh, je vous en supplie, Valérien, protégez-moi. Oui, madame, bien sûr. Monsieur et Madame Denis, venus pour visiter Paris. Voulez-vous vous sauver, Maraille? Voulez-vous vous taire, canaille? Je vais vous bâtonner, faquin. Ah non, faquin. Républicain. Mon père, ma mère, ma fille. Ce matin, par la diligence, nous sommes entrés dans Paris. On nous fit descendre d'urgence près de la porte Saint-Denis. Ah, ma fille, quelle aventure! On croyait que cette voiture transportait au fond d'un grand sac certains papiers de Polignac. Oh, ma chère Antoinette, quelle ennui! Nous avions fait toilette pour la nuit, sans nous laisser reprendre nos esprits, nos habits. On nous a fait descendre, étourdis, interdits. On nous a fait descendre près de la porte Saint-Denis. C'était en l'an 1800, souvenez-vous-en, de les premières amours. C'est un vieux royaliste qui vient nous insulter. Oh, monsieur Desormeaux, vous êtes un artiste. Ces pauvres vieux, faites-les respecter. Vous avez, c'est certain, le cœur d'un gentilhomme. Sachez qu'il est mon père. Et comment il se nomme? C'est le vidame de mon homme. Ah oui, c'est inouï. Ne vous inquiétez pas, je vais arranger ça. Mes amis, soyez généreux, ce sont les débris d'un autre âge. Vous voyez qu'ils sont malheureux, ils n'ont pas fait un beau voyage. Devant vos rires et vos cris, que vont-ils penser de Paris? Parisien, peuple de braves, accueillis ces tristes épaves, et vous l'auriez en ne pouvant de prix. Respectez ce vieux gentilhomme qui ne nous a rien fait en somme. Et je vais vous dire son nom. C'est le vidame, de Condon. Et cette dame, c'est sa femme. C'est le vidame, de Condon, Vous voyez, madame, ce sont de braves gens. Je vais vous conduire à la prochaine barricade. Et de barricade en barricade, nous arriverons à Saint-Cloud. Bon voyage. Merci, mademoiselle. Attendez-moi. Non, monsieur, je ne vous attendrai pas. Calmez-la, mademoiselle Adèle. Comptez sur moi. Adèle n'a pas le temps de calmer Malvina, car M. Chocard survient porteur d'une fâcheuse nouvelle. Arthur a disparu. Malvina se contente de dire « Bon, on le retrouvera !» Tandis qu'Adèle, éperdue, court à sa recherche. Malvina la suit sur l'ordre de M. Chocard, qui lui-même s'apprête à s'éloigner, mais... Patron. Mademoiselle Caroline, excusez-moi, je suis un peu pressé. D'où venez-vous avec ces grands paniers? Je ravitaille les combattants. Et vous, tout va bien? Oui, très bien, très bien. Mais Arthur est porté disparu. Oh, je suis tranquille, on le retrouvera. Tiens, elle aussi. Oh, mais qu'avez-vous là, à l'épaule? C'est un coup de feu qui a brûlé mon épaulette. Oh, que c'est beau. Oh. Un jour comme celui-ci, je voudrais être embrassée par un héros. Eugène. Caroline. Écoutez, mademoiselle Caroline, je ne vous cacherai pas que je suis flatté, très flatté. Je dois vous révéler un secret de famille. Promettez-moi que cela restera entre nous. Si juré, boule de feu, boule de fer, si je bavarde, j'irai en enfer. Je ne suis pas insensible. Je m'en doutais. La vue d'une jeune beauté capable de produire sur moi un effet foudroyant. Non, car à ce moment, au moment où je vais céder, je vois tout à coup surgir Prudence. Prudence? Oui, Prudence. Enfin, c'est Madame Chocard. Essayons quand même. Moi, je veux bien, mais vous allez voir. Vous allez pour voir. La liberté? Oui. Pour la nation? Oui. Pour moi? Oui. Eugène! Aïe, qu'est-ce que je vous disais? Ça, c'est extraordinaire. Allez, mon enfant, allez. C'est ça. Allez. Au revoir, madame. Ça, au revoir. Nous sommes le 29. Oui. Je perdrai 2 jours. Oui. Je lui réglerai ce sans compte ce soir. Non, mais pourquoi la renvoyer? Tu demandes pourquoi? Oh, oui. Sérieusement? Mais oui, ma bonne, mais oui. Et il est sincère. Sincère et naïf. Oui. Mais toi, tu es la meilleure des femmes. Mm-hmm. Douce, intelligente, compréhensive. Mm-hmm. Que trop. Non, mais tu as toutes les qualités. Embrasse-moi, mon pauvre Bibi. Il y avait un baiser dans l'air. Oui. C'est bien le moins que j'en profite. Oh, ces femmes légitimes profitaient des baisers dans l'air. Il y aurait moins de victimes. Il y même serait moins amer. Il y même serait moins amer. Aussi, je n'ai pas de rancune. Toutes les qualités, vraiment. Oh, mon ami, je n'en ai qu'une. C'est d'arriver au bon moment. Et tu le guettes, le bon moment? Je ne guette pas, je devine. Surveiller serait odieux. Une inspiration. respiration divine soudain me fait ouvrir les yeux, soudain me fait ouvrir les yeux. Aussi je n'ai pas de rancune, je ne me fais pas de tourments pour te surprendre avec chacune. Toujours j'arrive au bon moment. Ne renvoyons pas Caroline. Lorsque le peuple est triomphant, moi, femme d'un héros, j'incline au pardon pour la pauvre enfant. Je pardonne à la pauvre enfant. Tu vois, je n'ai pas de rancune. Toutes les qualités, vraiment. Oh, mon ami, je n'en ai qu'une. C'est de t'aimer infiniment. Quelques heures se passent, faisant entrer les trois glorieuses dans l'histoire. On ne se bat plus. Le drapeau tricolore vient d'être arboré sur la place de l'hôtel de ville. C'est le moment pour les employés de la Dame du Lac de distribuer les cocardes, les écharpes, les bouquets fabriqués clandestinement à tous les héros civiques. Il convient de dire aussi à toutes les héroïnes. Les demoiselles de chez Chocard, Caroline, Adèle et surtout Malvina, n'ont pas eu peur de la besogne. Mimi Pinson n'est-elle pas de toutes les bagarres quand il s'agit de défendre le bon droit ? Mimi n'a pas l'âme vulgaire, mais son cœur est républicain. Aux trois jours, elle a fait la guerre dans des rirettes en casaquin. C'est pour elle, c'est pour Gavroche, c'est pour tout le peuple de Paris et de France que Valérien chante la victoire et la liberté. Pour conquérir sa liberté, le peuple a pris les armes. Dans les faubourgs, il a situé le tocsin a sonné l'alarme. Beaucoup de deuils et bien des pleurs sont toujours le prix de ta gloire. Mais tu reprends les trois couleurs dans la conscience de la victoire. Cocarde tricolore. Voyez cocarde. Voyez bouquet. Ah, sont-elles gentilles. Les demoiselles, la dame du lac, dans les combats, n'ont pas le trac. Elles étaient nos cantinières, nous donnaient du vin, du café, de la bière. Des jeunes personnes, moins façonnières, il y en a guère. Et chantons jusqu'au matin, plan plan rata, plan tarata, taratère. Et chantons jusqu'au matin, les petites cantinières du quartier latin. Et chantons jusqu'au matin, plan plan rata, plan tarata, taratère. Et chantons jusqu'au matin, les petites cantinières du quartier latin. Les demoiselles de chez Chocard nous donnaient du pain et du lard. Elles étaient nos dimanches, le bonnet sur l'oreille, un peu en arrière. Des jeunes filles moins casanières, il y en a guère. Et chantons jusqu'au matin, plan plan rata, plan tarata, taratère. Et chantons jusqu'au matin, les petites cantinières du quartier latin. Et chantons jusqu'au matin, plan plan rata, plan tarata, taratère. Et chantons jusqu'au matin, les petites cantinières du quartier latin. Mais la plus brave de ces filles-là, c'est mademoiselle Malvina. Elle était à la poudrière, gauche, droite, en avant, jamais en arrière. De jeunes filles plus guerrières, il n'y en a guère. Nous l'avons vu ce matin, plonger ses petites mains satin dans les tonneaux de poudre du quartier latin. Nous l'avons vu ce matin, nous l'avons vu ce matin,